toi, quoi. Ouais, pour un reçu, un frère, hein. Parce que tu connais la vie, je sais que tu m'en veux pas. Pas trop le temps de faire couler l'encre, mais je t'envoie des mandats. Pour tous les frères qui purgent une peine au cachot, Inch'Allah, que vous sortez bientôt. Parce que tu connais la vie, je sais que tu m'en veux pas. Pas trop le temps de faire couler l'encre, mais je t'envoie des mandats. Pour tous les frères qui purgent une peine au cachot, Inch'Allah, que vous sortez bientôt. Depuis que tantôt le morceau, c'est tout le monde qui a changé. Des vieilles rancunes sont d'actu, des grosses équipes veulent se venger. Machallah, on a encore envie, on a quelques petits tracas. Depuis ton départ en zone gris, les Oriens, ces fils de chien, vraiment pas de preuve. Pas une écoute, pas une empreinte, juste un blast qui fait peur. Ta mère se porte bien, ton père revient du bled. Lui pousse des ailes au petit refrain, mais te prends pas la tête. Les keufs pètent un peu tout le monde en ce moment, je me mets au vert. Le temps de préparer la nouvelle vague de violence, ils pensent nous mettre à l'amende. En vrai, on est que deux, malgré le reste de la bande, tu restes près de mon feu. C'est ta force de volonté que la route tourne. J'fais tout pour tenir le business jusqu'à ton retour. C'est la routine, la roulette russe tous les jours. Chaque fois que je sors chez moi, j'me dis que c'est mon dernier jour. Parce que tu connais la vie, je sais que tu m'en veux pas. Pas trop le temps de faire couler l'encre, mais je t'envoie des mandats. Pour tous les frères qui purgent une peine au cachot, Inch'Allah, que vous sortez bientôt. Parce que tu connais la vie, je sais que tu m'en veux pas. Pas trop le temps de faire couler l'encre, mais je t'envoie des mandats. Tous les frères qui purgent une peine au cachot, Inch'Allah, que vous sortez bientôt. Pareil que tu gonfles, que tu pompes, que tu fais des prières. Ton zinco de sevrant vient de tomber hier. Y'a une pika, voit un chat noir dans la team. La police et la justice désirent nous prendre en sandwich. Y'a le baveux et son tarif stratosphérique. Ton ex-meuf qui fait la teuf avec ton pire ennemi. Quartier hostile, la street est haut chez Speech. Je viens de croiser la receuse, je lui ai laissé délover du shit. Dehors ou dedans, c'est la rue qui t'emprisonne. Aux dernières news, on t'a crevé en cellule avec un phone. C'est 30 jours de mi-tard, c'est bien ça, hein. Parce que tu veux te tenir au courant de ce qui se passe, hein. Tu vois, hein, le temps est assassin. On y grandit là-bas, on devient fou. On y retourne là-bas, encore plus fou. Mais rien à foutre, même si j'ai les keufs sur les reins. C'est nous qu'on bosse, c'est moi qui tiens le terrain. Parce que tu connais la vie, je sais que tu m'en veux pas. Pas trop le temps de faire couler l'encre, mais je t'envoie des mandats. Pour tous les frères qui purgent une peine au cachot, Inch'Allah, que vous sortez bientôt. Parce que tu connais la vie, je sais que tu m'en veux pas. Pas trop le temps de faire couler l'encre, mais je t'envoie des mandats. Pour tous les frères qui purgent une peine au cachot, Inch'Allah, que vous sortez bientôt. Wesh poto, t'es revenu ou quoi? Ah je te jure, ils m'ont tué 30 jours là, demi-tard là, putain j'ai parlé au mur. Ah ouais, t'as maigri de ouf ma gueule. Maigri de ouf, je te jure. Mais bon, t'as vu, viens on tourne, viens on tourne. Sinon... Ah c'était chaud hein, ma gueule, on était là... Bref, il est passé, des fous nous ont rajouté de la peine. Ah ouais, hein. Putain, comme d'hab, la prison c'est relou hein. Ah ça me casse tes couilles, mais on sait, on va bien sortir un jour hein. Si, si. Oh poteau. Oh poteau. Eh, c'est pas toi qui l'appelle le mec là-bas? Qui? Non. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais? Eh gros, il m'encaisse gros. Mon gars, je te l'avais dit gros. Eh hey, je te laisse, je vais tourner. Je t'avais dit qu'ils voulaient nous guess, qu'ils voulaient nous baiser, hein. Un bon set piche derrière les barreaux pour les apaiser. 3-4 ballots dans le cofio, la dépôt d'une petite salope. Même Jesse, je lui passerai le salam à ma façon. Je t'avais dit que le pavé était bizarre. Fallait des coups de CP pour qu'ils viennent au parloir. Elle, c'est une pute, je t'avais dit reste avec l'ancienne. En bourgeoisie, t'as préféré le miel. Je t'avais dit Ray, je t'avais dit que le crocodile ne pleure jamais. Il est en fournirait sur ta russe comme le ref à Janet. Donc nique lui sa mère quand tu vas sortir. Mes fonctions laissent nos petits frères, t'assure qu'il a grandi. Parce que tu connais la vie, je sais que tu m'en veux pas. Pas trop le temps de faire couler l'encre, mais je t'envoie des mandats. Pour tous les frères qui purgent une peine au cachot, Inch'Allah, que vous sortez bientôt. Parce que tu connais la vie, je sais que tu m'en veux pas. Pas trop le temps de faire couler l'encre, mais je t'envoie des mandats. Pour tous les frères qui purgent une peine au cachot, Inch'Allah, que vous sortez bientôt. Bientôt. Pour tous les frères en tôle, quand les refs et les russes, la daronne et les robes dehors, qui souffrent et qui s'en sortent. Lâche pas l'affaire, nique sa mère, la fatalité. Bah des combattants, dans des matchs modèles. Combattants, 2008, 2009, 2010. Louis, ici, RNRA. allez.